On est dans le Radioton de CKRL, jour 2. Ça y est, ça se poursuit. On a démarré en force hier soir et on est encore en forme aujourd'hui. Oui, public, manifestez-vous. Il y a des gens qui se lèvent tôt ici pour venir à CKRL pour assister aux émissions. Je vous rappelle d'ailleurs que vous êtes les bienvenus toute la journée. Ce soir, on est là jusqu'à minuit quand même. 405, 3e avenue dans Limoilou. Mon nom est Jessica Leb et je vais encore avoir la chance avec vous de passer une heure avec un artiste qu'on encourage depuis ses tout débuts ici à CKRL. Nouvel album, La Gymnastique de l'Amour, qu'on va découvrir tout au long de cette émission. Je suis avec Anthony Roussel. Bonjour Anthony. Bonjour. On finit la chocolatine, on démarre le matin tranquillement. Anthony, je mens pas quand je dis qu'on t'encourage depuis tes débuts. Tu es originaire de Québec. Là, tu es déménagé à Montréal pour la musique, entre autres. Mm-hmm. Mais Québec, CKRL, ça fait partie de ton histoire aussi en tant qu'artiste. Ben oui, je pense que c'est une des premières stations que j'ai joué mon premier EP en 2011. Donc, puis qui a quand même bien fait tourner les chansons. Puis depuis, ben, ça n'arrête pas. T'es même dans notre palmarès, ben oui. Que tu partages allègrement. On fait pas ça pour que tu nous partages nécessairement, non, non. On fait ça parce qu'on trouve ça bon, la gymnastique de l'amour, comme je le disais. Alors, Anthony, pourquoi il faut soutenir les radios communautaires? Qu'est-ce qui est important selon toi? Ben, parce que je pense qu'il y a une plus grande liberté pour les radios communautaires de faire jouer un peu ce qu'ils veulent, finalement faire jouer des artistes qu'on n'entend pas dans des radios plus commerciales, dites commerciales, qui ont des quotas puis qui ont besoin de remplir certaines grilles. Donc je pense qu'il faut encourager ces radios-là pour faire jouer en fait des artistes locaux. Et c'est vrai qu'on en diffuse beaucoup, oui. De Québec ici sur nos ondes. Alors quand on lit ta biographie sur ton site internet, on peut lire notamment « Carrière brève mais haute en couleur dans le domaine de la fête et de la restauration ». Raconte-nous un peu ces années festives. Ben, je sais pas pourquoi j'ai écrit « brève » parce que quand même j'ai fait ça longtemps. J'ai commencé à 18 ans puis j'ai été chef jusqu'à mes 30 ans, donc quand même pas si bref que ça. Puis j'ai même eu un restaurant à Montréal. Et la fête, ben, ça va avec la restauration. Donc là, la fête, on a un peu diminué aussi, là, quand même. Parce que j'ai deux enfants maintenant, mais c'est ça. La fête et la restauration, c'est comme deux, ça va ensemble. Est-ce que tu faisais déjà de la musique à ce moment-là? Oui, je gratouillais, j'essayais d'écrire quelques chansons comme ça, mais rien de concret. Et qu'est-ce qui t'a fait décider de se dire, bon, là maintenant, la musique, je prends ça au sérieux, je pourrais peut-être faire un album, le commercialiser? Ah, ben, j'ai toujours su, en fait, que j'allais pas faire qu'une chose dans la vie. Comme là, je suis pas sûr de ce que je vais faire dans 5 ans, tu sais. Je savais que j'allais faire plusieurs choses. En fait, j'ai commencé à écrire des chansons, puis à un moment donné, ben, les gens trouvent ça bon, puis tu dis, bon, ben, je vais tester ça à... Bon, il y a certains endroits où tu peux tester tes chansons, tu sais, dans les, mettons, Petite Vallée et compagnie. Donc, j'ai envoyé mes chansons à Petite Vallée, je pense, il y a à peu près, ça fait très longtemps, donc peut-être une dizaine d'années. Puis, j'avais eu une réponse positive, j'avais passé les auditions. Donc, c'est quand même assez difficile de passer les auditions à Petite Vallée. Puis, tu sais, c'était vraiment au début des chansons. Donc, je me suis dit, ah, il y a quelque chose là, peut-être. Puis, là, de fil en aiguille, bon, je me suis associé avec des gens qui étaient déjà dans le milieu. Puis, ben, les gens te disent que finalement, ton projet, ben, il vaut la peine de mettre de l'énergie dedans. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Et t'en as fait des festivals, t'en as fait des vitrines. Oui. 2012, tu remportes le prix Richard Desjardins à la 18e édition de Ma Première Place des Arts. Ça te permet de participer aux ateliers Gilles Vigneault, à Natasha Kwan, bien sûr. Oui. Comment t'as vécu cette expérience? C'est déjà une belle consécration. Ben, c'est déjà de se rendre à Natasha Kwan, c'est déjà toute une expérience. Moi aussi. Même si j'ai habité à Baie-Comeau, tu sais, puis c'est quasiment aussi long y aller après Baie-Comeau que se rendre, en tout cas, ça a plus d'allure, comment c'est long, là. Mais, donc ça, c'est une super expérience, c'est-à-dire, on s'en va au bout du monde. Mais après, t'arrives dans un endroit fantastique, puis là-bas, t'attends, bon, un personnage, tu sais, je connaissais Gilles Vigneault, comme tout le monde connaît Gilles Vigneault, tu sais. Je peux pas dire que j'étais un grand fan de son œuvre. J'aimais quelques chansons, puis ben c'est là que j'ai vraiment découvert l'entièreté de l'œuvre, puis finalement l'entièreté du personnage, l'immensité du personnage, puis comment que ce gars-là dégage une authenticité. Puis justement, il nous a appris à travailler, tu sais, lui, il travaille encore à tous les jours, il écrit à tous les jours, tous les soirs. Il nous a t'as en fait inculqué que c'était pas, bon, t'écris une chanson sur un paquet de cigarettes, puis le lendemain, tu fais deux accords, tu sais, c'est pas, ça prend de la rigueur, puis du travail, donc, personne assez fantastique qui m'a marqué, ouais. Et donc, tu es auteur de tes chansons, comme tu viens de le dire. C'est le cas aussi sur la gymnastique de l'amour. On va découvrir l'album tout au long de l'émission, puisque tu es venu avec ta guitare. Oui. Tu vas nous jouer quelques extraits. Je propose que tu ailles t'installer maintenant pour écouter deux extraits de l'album d'Anthony Roussel. Si vous voulez venir nous voir, il n'est pas trop tôt. Il y a déjà du monde ici à CKRL, 405 3e avenue. J'ai un chiffre à vous annoncer. Est-ce qu'on peut avoir le fameux roulement de tambour du matin? Oh. À 10h et 10 minutes, le montant pour le Radioton de CKRL est de 11 807 $. Ça peut encore monter. Je rappelle, l'objectif est de 42 000 $ d'ici dimanche 21h, notre émission de clôture, bien sûr. Vous pourrez admirer aussi les fabuleux croissants qui sont affichés dans notre entrée à CKRL. Des croissants en écho, bien sûr, à notre coporte-parole du monde des affaires, Patrick Nizeau, propriétaire des boîtes à pain. On espère qu'il nous portera chance et que ce croissant sourira jusqu'à l'objectif et même plus encore. Anthony, parle-nous de la première chanson que tu vas interpréter, Mimi. C'est une chanson, d'amour, sur un amour blessé, disons, sur la mère de mes enfants. Alors on t'écoute. Anthony Roussel en direct à CKRL pour le Radioton. Le vent tourne, souffle nos désastres passés, nos cœurs noirs de monde. On peut tout oublier, le temps coule comme une chanson démodée. On est enfin là où l'on devait se trouver. Oh Mimi, serre-moi fort, je ne sais pas donner sans recevoir. Oh Mimi, serre-moi fort, je ne peux pas donner. Une robe blanche et tes cheveux détachés. Tous les jours, dimanche, on ne peut rien nous refuser. La revanche de cette mémoire écorchée, un peu de romance, ça ne peut pas nous tuer. Oh Mimi, serre-moi fort, je ne sais pas donner sans recevoir. Oh Mimi, serre-moi fort, je ne peux pas. Thank you. Merci. La gymnastique de l'amour. Tu laissais pour toi des fragments bateaux. Encore une fois tu pars, encore une fois je bois, je rattrape la sauce et on danse, on se bat. On se frotte et on danse, on se frappe, on se pose. Mais tu changes la porte, mon fusil de peau. Souviens-toi la première fois. On s'aimait à prendre froid, on se foutait des autres. Peux-tu garder ça pour toi? J'ai peur de perdre cette fois. On inverse les rôles et on dort. On se bat, on se frotte et on danse, on se frappe, on s'oppose. Mais tu ne changes pas mon fusil d'épaule. Anthony Roussel, la gymnastique de l'amour à CKRL 89. C'est aussi le titre de l'album qui est paru en 2017. Je vous le rappelle, est disponible partout. Un album qui nous parle d'amour, on l'aura compris, avec 11 chansons, 11 tableaux. Un album concept où Anthony a décidé de décortiquer 11 scènes thématique de l'amour. C'est drôle parce que tu racontes qu'au départ, tu voulais pas du tout écrire un album d'amour, tu voulais écrire des chansons engagées. Bah, disons que je voulais sortir un peu de moi, tu sais, parler un peu à la troisième personne, parce que le premier album, bon, c'est souvent, bon, nos états d'âme, C'est des chansons qu'on écrit sur une longue période, puis ça parlait un peu d'amour aussi, le premier album. C'est sûr que c'était une thématique universelle. Puis non, le deuxième, je me suis dit non, ben là, c'est ça. J'aimerais ça me donner un genre de concept, me ramasser quelque chose de plus thématique, puis parler un peu à la troisième personne, donner ma vision un peu du monde. Puis finalement, après... Parce que je me suis donné quand même un temps d'écriture assez concis. Là. Je me suis dit, bon, je prends 3 mois, puis j'écris. Puis, disons, après le premier 2 semaines, je me suis rendu compte que j'avais 4 chansons qui parlaient d'amour. Donc, je me suis dit, bon, ben, écoute, je peux aller gratter vraiment jusqu'au bout cette thématique-là. Puis, c'est ça que j'avais envie de parler, il faut croire. Thématique inépuisable, bien sûr. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as collaboré avec Andrea Lindsay sur certaines chansons. Pourquoi avoir fait appel à elle? J'étais avec André Papanicolaou qui a réalisé l'album. Puis c'est ça, pour la chanson « Je bois du vin », on cherchait, parce que tu sais, « Je bois du vin », on pourrait penser que c'est pas une chanson d'amour, mais c'est mon amour pour le vin. Donc ça marche aussi. Mais oui. Ouais. Donc c'est ça, on cherchait une voix, disons, on voulait faire une espèce de pastiche un peu Gainsbourg, Birkins. J'allais t'en parler, c'est quand même assez frappant, ça vous va très bien, et ça fait pas copie conforme d'un mythe. Ouais. On a essayé de faire un truc comme ça, puis là on a eu plein d'idées de noms de chanteuses qu'on connaît. Mm-hmm. Puis là, il a dit Andrea Lindsay, ça serait cool parce que justement elle a un petit accent un peu anglo. Donc ça le faisait. Ça marchait. Et 20 ans également. Ouais. Parle-nous de cette chanson, parce que j'aimerais qu'on en écoute un extrait pour donner aussi une vision de l'album. Là, t'es seul avec ta guitare, donc c'est un autre rendu. Mais 20 ans avec Andrea Lindsay, c'est quoi l'histoire de cette chanson? 20 ans, en fait, c'est le temps qui passe, mes amours blessés, mes amours perdus, disons. Puis surtout, c'était une chanson un peu rugueuse. Puis on se disait au refrain, ça prendrait quelque chose de plus doux, de plus féminin. Donc, vu qu'on l'avait déjà en studio, on lui a demandé de faire le duo avec moi pour le refrain de cette chanson-là. Donc, je pense que ça donne aussi un beau contraste. Bon, on va l'écouter, cette chanson 20 ans. Je rappelle que c'est extrait de la gymnastique de l'amour, donc les voix d'Anthony Roussel et d'Andrea Lindsay sur cette chanson. Je n'ai plus 20 ans, comme on dit moins de printemps. Pour aligner mes pas et fixer mes refrains. Je n'ai plus 20 ans, j'en ai au moins 120. Aligner ça et là, je ne vois plus la fin. Je n'ai plus ce temps-là où je buvais sans fin. J'embrassais les arbres quand je rentrais avec rien. Je n'ai plus ce temps-là où je n'avais qu'à dire. J'ai du temps devant moi, j'ai 20 ans au pire. Je n'ai plus le temps. J'ai du temps. De retour au Radio Tende, c'est KRL, nos émissions toujours en direct et en public au 405 3e avenue. Oh, j'aime ça, un public réveillé dès 10h34 ce matin. Vous pouvez venir nous rejoindre, 405 3e avenue. C'est vrai, ça va vraiment être toute la journée jusqu'à minuit, une programmation diversifiée. D'ailleurs, si vous savez pas où on est, dans quoi on s'en va dans cette programmation, je vous rappelle que c'est sur notre site www.ckrl.qc.ca. Mon nom est Jessica Leb et je passe toujours avec vous une heure avec Anthony Roussel. Et parmi nos auditeurs, il y a de très jeunes auditeurs aussi à CKRL, Anthony. Hein? Oui, ben oui, de très jeunes, ben moins jeunes maintenant, 10 ans. Donc, j'aimerais souhaiter bonne fête à ma fille Simone. Bonne fête, ma belle, je t'aime. Vous avez une belle journée qui vous attend en plus après le Radio Temps de CKRL. À l'Aquapark. Oui, Bora Park, c'est Bora ça? Bora Park. Ouais, pour vivre l'ambiance du Sud malgré toute cette neige qui tombe aujourd'hui. On fait toujours la découverte de ton album, La gymnastique de l'amour. On a la chance aussi ici à CKRL que tu nous joues des extraits de l'album avec ta guitare. Est-ce que choisir les chansons qu'on va présenter seul avec sa guitare, c'est pas le même choix que quand on a tout son groupe avec soi? Oui, absolument, parce qu'il y a des chansons qui s'interprètent vraiment mieux à la guitare, quoique je les ai toutes écrites à la guitare, mais disons il y a des chansons plus rythmées que, bon, c'est mieux avec un band, mais elles se font toutes à la guitare. Alors tu vas maintenant nous interpréter Papa Vaudou. Oui. Ben, je te laisse bien t'installer, ouais. Oui, c'est ça. Ben, tu vas nous expliquer le lien. Je laisse. Dis-nous maintenant. C'est une chanson d'amour, donc encore sur le thème de l'amour, mais pour mes deux beaux enfants. Alors, Anthony Roussel va s'installer. Je rappelle d'ailleurs que dès midi, Amasan, notre masseur sur chaise, va être là à CKRL. Et tous les massages sur chaise, c'est toujours très difficile à dire pour l'addiction, se dérouleront ici à CKRL. Même pas besoin de réserver, vous vous présentez à Amasan. Puis c'est 10 minutes, 10 dollars. Tout au profit de CKRL. Imaginez, il va masser toute la fin de semaine au profit de CKRL. Si ça, c'est pas un bon don qu'il nous fait, je sais pas ce que c'est. Ça fait vraiment plusieurs années, donc il ne se tanne pas non plus. Donc dès midi, aujourd'hui, on l'attend avec impatience, je peux vous le dire. Anthony, est-ce qu'on est prêt? Oui. Anthony Roussel, alors, avec Papa Vaudou, extrait de l'album La gymnastique de l'amour. Vous pouvez vous cacher derrière moi, je vais prendre les coups et les rendre, croyez-moi, rendre les coups. Cette émission vous a été présentée par Sanima. Vous pouvez vous servir de moi, jouer au garde-fou, rempart, croyez-moi, trucider les voyous. Vous pouvez vous jouer de moi, prendre à peu près tout ce qu'il me reste de foi. De bravoure. Vous pouvez vous jouer de moi, abîmer mes genoux, ma jeunesse à la fois, je donne tout. De moi, faire vos méchants coups et vos mauvais choix, je vois tout. Je serai la peste, le roi, trafiquant vos destins et truquant vos voix, papa vaudou. Vous pouvez vous jouer de moi, prendre à peu près tout ce qu'il me reste de foi. De bravoure. Vous pouvez vous jouer de moi, abîmer mes genoux, ma jeunesse à la fois, je donne tout. Le temps de compter jusqu'à trois, 1 million de bisous, de la peur en convoi, je suis fou de vous. Je suis fou de vous. Je suis fou de vous. Merci. Bon, une chanson un peu plus rythmée maintenant. Ça s'appelle L'Impasse, c'est le premier album. Après avoir frôlé l'impasse, bien observé le temps qui passe, après m'être fondu dans la masse, être monté à la surface, j'ai envie de creuser ma place avant que le temps me remplace. Après avoir goûté au pire, m'être menti comme je respire, je me suis roulé dans la crasse, l'ivresse, les amours salaces. Je voudrais maintenant une place avant que le temps, avant que le temps n'efface ton merveilleux sourire qui m'a permis de tenir aussi longtemps sans perdre la face, qui me pousse à regarder un peu plus loin que le bout du monde. Pas senti venir, t'as pas senti venir. Oh, oh, oh. Ce matin j'ai vu dans la glace ma vie fléchir sans que je le sache, ridée de rire et de plaisir, de stress, de nuit de délire. Je voudrais comme une petite place avant que le temps ne me remplace. Ce matin j'ai vu dans la glace une petite fille faire une grimace. Elle n'a jamais frôlé le pire, ignore toujours ce qui glisse un souvenir. Elle voudrait seulement une place avant que le temps, avant que le temps n'efface ton merveilleux sourire qui m'a permis de tenir aussi longtemps sans perdre la face, qui me pousse à regarder un peu plus loin que le bout du monde, qui t'a pas senti venir, qui t'a pas senti venir. Oh, oh, oh. L'impasse de extrait de l'album Un jour viendra, cette fois premier album d'Anthony Roussel sorti en 2015. Anthony, est-ce qu'on se sent toujours en phase avec ses chansons du premier album? Parce qu'on sait que ça évolue vite là, quand on est auteur, compositeur, interprète. Certaines choses, non, c'est sûr. En phase avec les émotions de l'époque, oui, parce que ça reste des souvenirs, mais... disons que j'étais plus inexpérimenté pour l'écriture. Il y a des trucs que tu t'écoutes maintenant, je fais « Ah! » Mais bon... fait partie de ton histoire. Ben oui, c'est ça. Ouais. Les, j'imagine un peintre, les premières toiles, envie de te lancer quelque chose dans ces toiles. Mais disons qu'on est autocritique, puis des fois, bon, les projets les plus proches de nous, c'est toujours les meilleurs selon nous, donc... Et un projet proche de toi, c'est ta récente participation au Francouverte, ouais, concours de toutes les musiques émergentes à Montréal. Ça a lieu à chaque hiver. Mais c'est drôle de dire émergent parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes cette année qui se sont inscrits qui pourtant ont déjà un gros bagage derrière eux, ouais, de musique. C'est ton cas aussi. Ouais. Pourquoi avoir fait les Francouvertes? Moi, j'étais pas chaud à l'idée parce que c'est pas un concours totalement pour... Mais disons que mon style musical, c'est plus de la chanson. Disons que je mise pas... Tu sais, je mise beaucoup sur les textes, les mélodies, les propos, que plus sur l'originalité puis sur le, disons, la, comment dire, le, ouais, le, disons, l'originalité. Tu sais, c'est des chansons qui sont plutôt conventionnelles, mais je pense qu'il y a une belle recherche derrière. Donc moi, au départ, j'étais pas super chaud, mais c'est mon gérant, tu sais, les gérants, ils veulent tout, tu fais tout. Fais des concours. Fais tout. Mais tu sais, les concours, pour moi, c'était fini, parce que l'album a eu une belle réception, je gagne ma vie avec ça, donc tu sais, je me disais, bah, puis en même temps, c'est une vitrine, qui a super bien été aussi, tu sais, ça a super bien été, mais comme je m'y attendais, tu sais, ce qu'ils recherchent au Francouverte, c'est beaucoup plus des ovnis, tu sais, des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, donc, mais la prestation était bonne, les commentaires des juges étaient bons. Je suis très, très, très content de l'expérience en général. Oui, tu ressors quand même avec peut-être des nouveaux contacts, des diffuseurs qui t'ont connu là-bas. Absolument. Ben, les diffuseurs qui m'ont connu, pas ou moins, parce que... Des gens de l'industrie. Oui, puis bon, écoute, c'est une vitrine. Non, je suis bien content de l'avoir fait. C'est bien de l'avoir pris comme ça, en tout cas. Ouais. On peut retrouver des extraits de tes prestations, d'ailleurs, sur le site des Francouvertes. Ouais. Anthony, comment s'annonce ton été? On sait qu'on est dans les dévoilements de programmation, ouais, de festival. Est-ce que tu as encore des choses cachées que tu peux pas avouer? Oui, puis, il y a quelques spectacles cet été. Il y a peut-être une tournée là, qui est en train de se booker, là, une tournée dans l'Est du Québec. Sinon, écoute, les shows rentrent plus pour fin 2018-2019, okay, étrangement. Je sais pas pourquoi, mais... En salle, alors, plutôt? Plus en salle, oui. Mm-hmm. Donc, pour les festivals cet été, ça va être plutôt tranquille, mais j'ai quelques dates quand même, puis c'est bien correct comme ça, parce que... Il y a la vie de famille aussi à gérer. Exactement, c'est de la gymnastique, ça aussi, donc ça va comme ça. À Québec, dernièrement, on a pu te voir à la librairie Saint-Jean-Baptiste. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas encore rentrés, oui, la librairie Saint-Jean-Baptiste propose régulièrement des spectacles très intimes, parce que je pense que c'est 30 personnes bien tassées qui rentrent dans cette librairie. Comment tu t'es sentie avec cette proximité? Parce que les gens sont vraiment très, très, très proches, là. Ah, tu ne peux pas vraiment être plus proche. Ils sont quasiment en arrière de toi, en fait. Non, mais moi, je trouve ça génial. Ça s'assied bien, disons, à mon projet, parce que justement... C'est très, très rare qu'on part. Tu sais, l'album est quand même orchestral. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'instruments. Mais tu sais, c'est très rare que je pars avec le band au complet. Ça coûte tellement cher. Puis, tu sais, les cachets sont plus là. Donc, les diffuseurs te préfèrent, toi, seul avec ta guitare? Seul ou avec un accompagnateur. Okay. Puis, c'est parfait là-bas. Donc, j'avais juste quelqu'un à la guitare avec moi. Puis les chansons, mes chansons, je pense, jouer de cette façon-là devant un public qui est très proche. Puis, je peux leur parler. Je pense que c'est vraiment l'idéal. Donc, c'était génial. Alors, j'adore cette place-là, en fait. Avant même que la gymnastique de l'amour sorte l'automne dernier, tu avais fait une tournée de 3 spectacles en France, ouais, à l'été 2017. Comment ça s'est passé, cette rencontre avec le public français? Ah, c'était drôle. Dis-moi. C'était drôle. On a quand même bien déconné. En fait, je suis allé, je sais pas si vous faites jouer, je pense, ici, Michel Robichaud. Mm-hmm. Donc, Michel Robichaud, il fait des chansons super sérieuses, mais aussi des chansons comiques. Puis c'est un gars très comique. Puis je suis allé avec lui, il m'accompagne à la guitare, c'est un très bon guitariste. Donc disons qu'on a, on s'est bien foutu de leur gueule. C'est sympa. Non, mais pas gentiment. Non, c'est ça, il faut. Il n'y a pas de problème. Anthony, on va écouter une toute dernière chanson pour conclure cette heure avec toi. C'est aussi un extrait du premier album, Un jour viendra. Tu as choisi La tristesse. Ouais. Parle-nous de cette chanson. Ça dure 5 minutes quand même. Je trouve ça bien quand les artistes prennent la liberté de mettre sur un album une chanson qui peut durer 5-6 minutes. Mm-hmm. La tristesse, c'est un genre de tableau, un peu un panorama des choses qui me... Au départ, tu pars une chanson, puis là, bon, t'as un premier tableau, c'est un premier couplet, puis là, Je savais pas trop où je m'enlignais. Puis là, finalement, je me suis dit, je vais te prendre faire comme 5 tableaux de trucs qui me rendent très mélancolique et très, très triste. Donc, c'est un peu comme ça que s'est construite la chanson. Elle marche quand même bien. Elle marche sur disque. Elle marche aussi tout seul à la guitare. Donc. Et c'est d'ailleurs dans cette formule qu'on va t'entendre ici à CKRL. Je vous le rappelle, il est 10h49, mais vous pouvez venir d'ores et déjà à CKRL pour assister à toutes les émissions. 405 3e Avenue, c'est notre adresse. Et rappelez-vous aussi, il y a un encan qui est en cours en ce moment à CKRL. C'est fou, hier à 15h34, les gens commençaient déjà à appeler pour miser sur les lots. Faites sonner nos téléphones, 88-640-2575. C'est autant pour miser sur les lots d'encan que vous retrouvez sur notre site d'ailleurs www.ckrl.qc.ca ou tout simplement pour faire un don. Vous le savez, notre objectif c'est 42 000 $. On avance bien, mais on a encore besoin de vous. Anthony, yes. Anthony Roussel pour La Tristesse à CKRL. Sur ses joues, il a pris ce camion à son cou. Il a pleuré deux fois pour la première fois. Quand ses ongles sont entrés dans sa peau glacée, il a mis de l'eau de Cologne sur ses joues. Il a sorti sa femme à son goût. Elle a pleuré deux fois pour la première fois. Quand elle a mis ses pleins mains, elle est partout autour de nous. La faiblesse, la tristesse, as-tu vu mon cœur? Il est mort de peur. Sur un coup, il a passé la corde à son cou. Il s'est tué deux fois pour la première fois. Quand la chance est tombée du mauvais côté, elle a figé sa beauté d'enfant en un sourire un peu affolant. Pa la pa pa pa. Pour la première fois, mais la gravité fait tout retomber. Elle est partout autour de nous. La faiblesse, la tristesse, as-tu vu mon cœur? Il est mort de peur. As-tu le malheur, le malheur. c'est pour vrai. Il a mis de l'eau de Cologne sur ses joues. Il a battu sa femme à son goût. Elle a pleuré deux fois pour la millième fois. Quand nos têtes dans le sable sont restées cachées. Anthony Roussel, La Tristesse, extrait du premier album, donc sorti en 2015, Un jour viendra. Je rappelle que le plus récent, c'est La Gymnastique de l'amour, paru à l'automne dernier. Anthony Roussel, merci beaucoup d'être venu passer une heure ici à CKRL. Merci à vous. Puis on rappelle que c'est toujours le temps de faire vos dons, d'encourager CKRL, parce que notre objectif est toujours de 42 000 dollars. Anthony, est-ce que tu reviendras bientôt à Québec pour un spectacle? Est-ce qu'on peut avoir un indice au moins sur ça? Mais écoute, j'ai même pas... Oui. Mais okay. Oui. Ça nous rassure. Oui, j'ai comme pas les dates en tête, mais oui. D'accord, on va surveiller ça. Je rappelle ton site internet, anthonyroussel.ca, également une page Facebook. Ouais, ben sur Facebook, c'est vraiment, vraiment plus à jour. Donc, c'est la page artiste sur Facebook et sur Bandcamp. Et pour se procurer l'album sur Bandcamp. Je délaisse un peu mon site, on aurait dit. Je vais travailler là-dessus. D'accord, mais c'est toutes les ressources où on peut te retrouver. Ouais. Merci encore, Anthony. Merci à toi. De te recevoir. Merci à CKRL. Mon nom est Jessica Leb, je vous retrouve un petit peu plus tard dans le Radioton. Je cède maintenant la place à Tania Beaumont qui va passer une heure de son côté avec Martin Perizzolo. Restez avec nous.